Mimésis. Chapitre 11. Rage. Je quitte la simulation en nage et file direct sous la douche. J'ai retrouvé mon corps d'adulte, mais il me reste sur la peau comme une salissure dont je n'arrive pas à me défaire. L'eau tombe sur ma nuque, capricieuse, et quand elle se glace, j'ai l'impression de retrouver sa main qui m'en serre. Je laisse échapper un cri. Derrière le rideau, elle jubile. Vous avez vu sa tronche à ce gros pédophile ? Si ça ne tenait qu'à moi, je lui aurais défoncé le crâne à coups d'extincteur. J'augmente la pression pour ne plus l'entendre, mais sa voix redouble d'intensité au creux de mon oreille. Elle peut toujours pas rater, elle en sait foutrement rien. Je ferme les yeux et je me revois comme cette petite fille acculée, qui tente tant bien que mal de se couvrir. Mon poing se crispe, mes ongles s'enfoncent dans ma paume. J'arrache le rideau d'un geste sec. En face, je me prends mon reflet en pleine poire. L'inspecteur se tient nu, devant moi. Je suis tout de suite frappée par sa peau, couverte de cicatrices. Je devine les brûlures, les coups. C'est donc ça, un corps meurtri ? Je vais pour m'excuser, mais l'inspecteur ne m'écoute pas, fait comme si je n'existais pas. Il se rhabille sans un mot. Je préfère le laisser seul. Bénédicte attendra. Je sors. Personne sur mon chemin. La ville s'est vidée de ses travailleurs. Je croise tout de même une vieille qui se parle à elle-même en faisant de grands gestes dans les airs. Il y a 30 ans, on l'aurait prise pour une folle, mais là, qui sait avec qui elle discute vraiment. Je suis soudain pris de paranoïa, commence à me méfier des rares bateaux sur mon chemin. Je me demande qui ils sont, essaye d'imaginer leur vie minable. S'ils s'entralent dans un avis de recherche, qui dirait non à du fric facile ? Par prudence, je me dis qu'il vaut mieux rentrer. Ouais, c'est plus sûr. À l'hôtel, je la retrouve, qui patiente sur sa chaise, l'air visiblement désolé. Quand elle me voit arriver, elle se lève et commence à débiter des excuses à toute vitesse. Je lui fais signe de se taire. On passe un long moment sans rien se dire, à se chercher du regard pour mieux le fuir juste après. Ça dure, je sais pas, peut-être une heure. Je sais, c'est con. Ce silence. Je ne sais pas réparer ce qui est brisé. Sa douleur me touche, et je crois que ça se voit sur mon visage. Il a l'air défait, lui aussi. S'il vous plaît, inspecteur, pardonnez-moi. Elle pleure ? Tout à coup, j'ai comme envie de la prendre dans mes bras, lui dire que c'est pas grave, qu'elle pouvait pas savoir. Mais qu'est-ce qui me prend ? Je me lève, fais un pas vers elle en poussant un long soupir résolu. Allons l'arrêter, ce fils de pute. Bénédicte a accepté de nous rencontrer. Nous lui avons donné rendez-vous dans un bar à la sortie des tunnels d'hypervitesse. Le lieu brasse assez de monde pour le mettre en confiance. Contre notre silence, il a promis de nous remettre des documents compromettants pour VRCorp, ainsi que de quoi disculper définitivement l'inspecteur. Ce n'est plus l'affaire que de quelques heures. On file en taxi autonome vers la barrière intérieure. Moi, sur ma banquette, j'ai l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Je fais parler l'autre tordu, et puis après, je prouve mon innocence. Ça me paraît trop beau pour être vrai. C'est ici. Le Sunny. Drôle de nom pour un établissement aux portes de l'enfer. Le bar est planté tout à côté de l'embarcadère où s'entassent chaque matin les travailleurs dans leur navette autonome. Quand ils réapparaissent, le soir venu, ils cherchent dans l'alcool synthétique et la mauvaise musique un réconfort bien maigre. Tout juste assez pour chasser la déprime. J'y conduis l'inspecteur et lui conseille une table bien en vue. Tant pis s'il faut dégager abruptement leurs occupants à grand renfort de cartes de police. La serveuse s'approche. Il commande un premier whisky pour patienter, sirote l'alcool en faisant passer l'air entre ses dents pour mieux sentir les arômes. Bénédicte est en retard. Ce n'est pas bon signe. L'inspecteur s'impatiente. Sa main tremble nerveusement. Ah, le voici. La voix me sort de mes pensées. En face de moi, un type portant un père et chapeau me jette son ombre à la gueule. J'ai un mouvement de recul avant de me reprendre. Je ne suis plus cette petite fille. Je me lève pour me mettre à sa hauteur, fais voler son chapeau du revers de la main. Son visage est couvert de bandages. Je les arrache. L'homme a été tabassé. Pour de vrai. Ça pue. Inspecteur, il y a quelque chose qui m'alarme. Je détecte plusieurs présences. Bénédicte n'est pas seule. Dépêchez-vous de sortir, on avorte. Le lieu n'est pas sûr. Putain, si le gars a prévenu les flics, je suis cuit. Mais je peux pas me résoudre à le laisser filer. Je lui saisis l'épaule d'une main. Bénédicte s'affole, cherche de l'aide à gauche à droite. Je lui fais une clé de bras. À ses pieds, une mallette. Ramasse-la. Voilà, c'est ça. Pas d'histoire. Tu vas faire comme si de rien n'était et il n'y aura pas de problème. Dans le bar, ça commence à nous regarder dans tous les sens. Je presse le pas, cogne mon suspect contre le rebord des tables. Plusieurs clients se lèvent, indignés. Et le barman fait un geste comme pour m'arrêter. Non, c'est trop con, pas maintenant! Dehors, j'ai posté une voiture pour préparer sa fuite. Les portières s'ouvrent à leur passage. Vite, montez. L'auto sillonne à travers les rues. À son bord, l'inspecteur, l'arme braquée, surveille Bénédicte tout en fixant la vitre arrière, tendue. C'est bon. Personne n'a l'air de les suivre. Au bout de plusieurs minutes, il relâche enfin sa garde. Enfoncé tout au fond de la banquette, comme s'il voulait disparaître, Bénédicte a le regard dans le vague. L'inspecteur le toise d'abord sans rien dire. Le type est méconnaissable. Sa gueule, tuméfiée, est comme un masque de clown. Les lèvres et le nez sont atrocement gonflés. Mais sous l'arcade défoncée, cet œil en but ne trompe pas. L'homme se décompose, mais c'est bien notre violeur. À le voir aussi misérable, l'inspecteur finit par craquer. Qui t'a tabassé? Écoute, putain de pervers, on a tout enregistré. T'es fini. Ta famille, tes gosses, ton taf, tu vas tout perdre. Des tordus dans ton genre, j'en ai vu des centaines. Et tu veux savoir? Le pire, c'est que vous me faites même plus gerber. T'es qu'une sous-merde, Bénédicte. J'espère que t'en as conscience. Il ne dira rien, inspecteur. Lâchez-vous. Vous en mourrez d'envie. Comme si j'avais besoin de sa permission. Je me jette contre Bénédicte et le plaque contre la vitre. D'une main, je lui saisis la gorge et je l'étrangle sans retenue. L'homme suffoque, essaye de me faire quitter mon étreinte, mais c'est peine perdue. Dans la vraie vie, c'est un faible, un parasite. J'arrête juste avant qu'il ne perde connaissance. Penché à quelques centimètres de son oreille, je lui glisse sans faiblir. Si tu veux, je te bute. Du calme, inspecteur. Je crois qu'il a compris. Nous sommes bientôt arrivés à destination. Passez-lui les menottes et n'oubliez pas la valise. J'ai quelqu'un à vous présenter.